Au fond de la Seine, il y a des fleurs de vase et de boue. Elles sont nourries. Au fond de la Seine, il y a des cœurs qui souffrirent trop pour vivre la vie. Et puis des cailloux et des bêtes grises, lame des égouts soufflant des poisons, les anneaux jetés par des incomprises, des pieds qu'une hélice a coupés du tronc. Et les fruits maudits des ventres stériles, les blancs avortés que nul aima, les vomissements de la grande ville. Au fond de la Seine, il y a cela. Ô Seine clémente, où vont les cadavres, au lit dont les draps sont faits de limon. Fleuve des déchets, sans banal ni havre, chanteuse berçant la mort. Accueille le pauvre, accueille la femme, accueille l'ivrogne, accueille le fou, mêle leurs sanglots au bruit de tes larmes et porte leur cœur, et porte leur cœur, et porte leur cœur parmi les cailloux. Des bijoux, des arts.